Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné ? La question ressurgit régulièrement, et encore tout récemment avec la nouvelle édition très documentée de l'ouvrage du journaliste britannique David Yalop, « Le pape doit mourir ». Si Yalop répond positivement à la question, il faut, pour être tout à fait impartial, relever que d'autres auteurs ont contredit cette thèse, même s'il faut aussi observer qu'ils ont parfois été conseillés indirectement ou pas par le Vatican. En effet, pour l'Église, il n'a jamais été question d'assassinat. Jean-Paul Ier est décédé de mort naturelle, sans doute d'un infarctus du myocarde. Mais médicalement impossible d'en dire plus, puisque le Vatican a refusé que la dépouille papale soit autopsiée. Je signale simplement que les tenants de la mort naturelle ont prétendu que Jean-Paul Ier était un homme malade, tandis que les autres, dont son médecin personnel, ont affirmé que cet homme de 66 ans jouissait d'une excellente santé. Dans la première partie de cet entretien, M. X a mis en évidence que le pape avait l'intention de procéder à une véritable réorganisation de la hiérarchie vaticane. Car il était bien placé pour savoir que l'Institut pour les œuvres de religion, autrement dit la Banque du Vatican, dirigée par Mgr Marcinkus, s'était laissé aller à se compromettre dans des opérations financières douteuses. En particulier avec un banquier sicilien, Michele Sindona, très proche de la mafia, et on l'apprendra plus tard, de la loge P2 de Licio Gelli. Jean-Paul Ier était donc décidé à faire le ménage. Et certains grands personnages avaient tout à craindre. Mais pour autant, ces gens-là sont-ils passés à l'acte? Et se sont-ils réellement débarrassés d'un pape qui n'a donc pu régner que 33 jours? La suite avec M. X. Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va. Voyez-vous, dans toute affaire, et celle de la mort de Jean-Paul Ier, comme dans bien d'autres, le mensonge entraîne obligatoirement le doute et donc le soupçon. Or, il est prouvé que les plus hautes autorités du Vatican ont menti au moins à deux reprises quant aux circonstances de la mort du pape. Un rappel pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas écouté notre entretien de la semaine passée. Bien, premier mensonge. Il a été prétendu que c'était le secrétaire particulier de Jean-Paul Ier, l'Irlandais John Magee, qui en entrant dans la chambre pontificale aurait découvert la mort du pape. Or c'est faux. C'est une religieuse attachée au service du pape, sœur Vincenza, qui a fait cette tragique découverte. Pardonnez-moi, mais c'est quand même un mensonge véniel. Ah, véniel, mais inutile. À moins qu'il ne se soit agi de cacher quelque chose. Deuxième mensonge. Jean-Paul Ier serait mort en lisant quelques textes pieux. Une nouvelle fois, c'est faux. D'après sœur Vincenza, le pape tenait une liasse de feuillets entre les mains. Et selon toute vraisemblance, c'était le projet de réforme de la hiérarchie qu'il envisageait de mettre en œuvre. Un texte, disiez-vous, la semaine dernière, qu'on n'a jamais retrouvé. Il faut dire que les 19 pièces de l'appartement pontifical ont été vidées de tout ce qui appartenait au défunt pape avec une célérité extraordinaire. Papier, livres, médicaments et même lunettes et mules, tout a été embarqué. Ouais. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur les aspects médicaux, là. J'imagine qu'un médecin a tout de suite été appelé, enfin ne serait-ce que pour constater le décès. Bien sûr. Et c'est le docteur Busonetti, chef des services de santé du Vatican, qui s'est aussitôt rendu dans la chambre de Jean-Paul Ier. Celui-ci l'avait-il déjà consulté ? Jamais. Alors c'était donc la première fois là, que le médecin du Vatican le voyait, si on peut parler ainsi. Oui, alors je ne sais pas combien de temps il a passé à observer la dépouille du pape, mais il a assez vite conclu qu'il s'agissait d'une mort naturelle intervenue vers 23 heures, sans doute causée par un infarctus. Mais a-t-il procédé à un examen clinique Impossible de le dire, oui. Et quand le médecin personnel de Jean-Paul Ier, le docteur Darros, lui a ensuite proposé de consulter le dossier médical de son patient, Buzzonetti a décliné son offre. Il s'était déjà fait une religion, si j'ose dire. Exactement. Toutefois, des médecins, et pas n'importe lesquels, puisque parmi eux se trouvait le professeur Montana, directeur fraîchement retraité des services médicaux du Vatican, ont émis plus tard des réserves. Ouais, en quel terme, alors ? Montana a dit à peu près ceci. Si je devais certifier, dans les mêmes circonstances, le décès d'un citoyen ordinaire, j'aurais refusé l'inhumation. Ah, c'est donc qu'il avait au moins sérieux doute sur la cause de la mort. Ça me paraît évident. Et seule une autopsie aurait permis d'en savoir plus. Mais vous le savez, cet examen médico-légal a été refusé par les plus hautes autorités du Saint-Siège en alléguant qu'on ne pouvait décemment pas autopsier un pape. Et d'ailleurs, il faut observer que la décision d'embaumer la dépouille a été prise très précipitamment. Et après cet embaumement, là, tout examen ultérieur devenait impossible. Bien entendu. Et ici se place un mystère supplémentaire. Deux thanatopracteurs, les frères Signorace, auraient été vus au Vatican dès 5 heures du matin. C'est-à-dire à peu près au moment là où on a découvert la mort du pape, enfin officiellement. Alors comme s'ils avaient déjà été prévenus. Hey, c'est troublant, non ? Autre détail étrange. Ces deux frères, qui étaient des professionnels, ont émis des doutes sur l'heure de la mort au vu du manque de rigidité cadavérique du corps. Enfin, passons. Ça, je ne peux pas en dire plus. Cependant, toutes ces rumeurs au sujet de la présence si hâtive des embaumeurs au Vatican ont été aussitôt démenties par les autorités du Saint-Siège. Et tenez, avant de refermer ce chapitre, encore un fait qui a ajouté au trouble. Monseigneur Marcinkus aurait été vu à l'aube dans une cour du Vatican. Oui, mais qu'a-t-il d'anormal ? Le président de la banque du Vatican, il y avait ses bureaux, non ? Ah, certes, mais il n'y habitait pas. En outre, il était très tôt, et d'après le garde suisse qui l'a aperçu, Marcinkus semblait hagard. Il venait peut-être d'apprendre la mort de Jean-Paul Ier. C'est possible, et d'ailleurs il avait, semble-t-il, l'habitude de travailler assez tôt. Mais si je vous ai bien entendu la semaine passée, là, il faisait partie des hommes qui avaient tout à craindre les projets de réforme du pape. Alors, autre chose. Si, comme vous paraissez l'insinuer, hein, Jean-Paul Ier a été assassiné... Je n'insinue rien. Je me contente de mettre en évidence un certain nombre de faits troublants. C'est ouais, tout. Oui, ouais, vous jouez sur les mots. Enfin, peu importe. Alors, si je reprends là, si le pape a été assassiné, comment ces meurtriers auraient-ils procédé? L'hypothèse qui vient tout de suite à l'esprit est celle de l'empoisonnement. Une substance toxique susceptible de provoquer un arrêt cardiaque aurait pu être mélangée aux médicaments que le pape prenait chaque soir avant de se coucher. Mais cet anticoagulant, là, oui, c'est ça. Comme la chambre de Jean-Paul Ier a été entièrement vidée, il devenait impossible d'analyser ce médicament. Et au fait, Jean-Paul Ier n'a pas laissé de testament? S'il en a écrit un, il a disparu avec le reste de ses affaires personnelles. Alors revenons un peu en arrière. Si éventuellement crime il y a eu, cherchons, comme dans tout bon roman policier, à qui il aurait pu profiter. Et pour cela, voyons d'abord quelles étaient les réformes que Jean-Paul Ier entendait conduire. Et donc qui elle menaçait? Évidemment. Ouais. On le sait, eu égard à la façon dont il a exercé son ministère à Venise, le nouveau pape est plus ouvert sur la société civile que son prédécesseur. Et il est surtout attentif aux souffrances des plus humbles. Mais il est aussi probable qu'il va s'attaquer en priorité aux dérives financières du Vatican. Cependant, pour y mettre bon ordre, il devra révolutionner le fonctionnement de la curie et démettre les ripoux. Dont Marcinkus ? Et le président de l'IOR l'a très vite compris. On verra cela un peu plus loin. Fondamentalement, ce qui choque Jean-Paul Ier, c'est que ces corrompus ont peu à peu fait de l'Église une entreprise capitaliste destinée à gagner le plus d'argent possible. Par conséquent, le pape donne très vite le ton. Le lendemain de son élection, il prononce un discours important. Et que dit-il alors? Se référant au Concile Vatican II, il prône la décentralisation de l'Église et le partage du pouvoir avec les évêques. Il aborde aussi d'autres sujets essentiels, mais qui sont sans rapport avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Plus significatif, Jean-Paul Ier annonce que l'Église doit faire un retour vers la simplicité et l'intégrité de ses origines. Et ça veut dire aussi nettoyer les écuries d'Augias. Ça me semble clair. Et d'ailleurs, très peu de jours plus tard, le journal italien Il Mondo adresse une longue lettre ouverte à Jean-Paul Ier à propos des affaires financières du Vatican et des spéculations dans des eaux malsaines. Et ce journal, très respecté, de poser quelques questions embarrassantes. Quelle est la tolérance de l'Église à propos des investissements dans des sociétés nationales et multinationales dont le seul objectif est le profit? Est-il juste que la Banque du Vatican aide des citoyens italiens à échapper au fisc? Et encore, quel est le lien de Marcinkus avec les paradis fiscaux? Ouais. Remarquez qu'on a un accompagnement là, qui est très agréable, ouais. Musical. Cette lettre ouverte là, vient donc à point nommé pour le pape réformateur. Hein. Assurément. Mais concrètement, comment ça va se traduire? Lors de son premier dîner en tête-à-tête avec Mgr Vigneault, le secrétaire d'État qui l'a confirmé pour l'instant à son poste, Jean-Paul Ier lui ordonne avec une grande fermeté de lancer une enquête sur les affaires malodorantes du Vatican. C'est tout de même bizarre de confier cette enquête à un homme qui est forcément au courant de ces malversations financières. Il les a peut-être même couvertes. Oui, mais le pape ne peut pas tout bouleverser d'un seul coup au risque de se retrouver tout seul. Et puis sans doute a-t-il confiance dans ce grand serviteur de l'Église. Quoi qu'il en soit, Jean-Paul Ier comprend qu'il doit aller vite. En effet, il est à peine assis sur le trône de Saint-Pierre qu'il reçoit un document très gênant. Et quoi alors? C'est une copie d'un rapport de l'Office italien de contrôle boursier signé du ministre italien du commerce extérieur. Ce document fourmille de révélations sur le fonctionnement de la Banque du Vatican et le rôle central qu'y joue Mgr Marcinkus. Et en en prenant connaissance, Jean-Paul Ier réalise qu'il y a le feu au Vatican. Thank you. Rendez-vous avec X. J'ai déjà cité ici même le livre de David Yalop publié par Nouveau Monde, Le Pape doit mourir. L'auteur, le titre de son ouvrage est sans ambiguïté, est un partisan de la thèse de l'assassinat du pape. Dans le passage que je cite, il évoque cette note ministérielle reçue par Jean-Paul Ier. Le ministre rappelle que l'IOR, la Banque du Vatican, est un institut bancaire étranger. En tant que tel, les relations entre la Banque du Vatican et les instituts de crédit italiens sont réglées précisément par les mêmes lois qui s'appliquent à toutes les autres banques étrangères. Le ministre est particulièrement inquiet des abus commis sur les devises et qui impliquent des fuites illégales de capitaux hors d'Italie. Par cette lettre, le ministre admet nettement la réalité de ces abus. Les milieux financiers italiens y virent une tentative pour freiner au moins une des nombreuses activités douteuses de la Banque du Vatican. Au Vatican, on la considéra en général comme la confirmation que le glas sonnait fort pour la présidence de l'évêque Paul Marcinkus à la tête de la banque. Après avoir lu cette note du ministre, Jean-Paul Ier, inquiet, demande des explications à deux cardinaux qui connaissent bien les arcanes du Vatican, Bellini et Felici. Il veut comprendre. Avant de réformer éventuellement de sévir, mais vous l'imaginez bien, le dossier est particulièrement touffu. Les deux cardinaux passent donc plusieurs soirées à éclairer le pape sur les méandres et magouilles de l'IOR. Et tout y passe, notamment les relations avec Gelli, Sindona et l'ami de ce dernier, le patron de la puissante banque Ambrosiano, Roberto Calvi. Il détaille aussi les connexions de ce dernier avec l'IOR et Marcinkus. Mais ça signifie en tout cas, si ces cardinaux parlent, là, qu'au sommet, on n'ignorait rien de ces turpitudes. Incontestablement. Donc si rien n'a été tenté pour y mettre fin, c'est qu'il existait une complicité objective. Bref, le précédent pape a, au minimum, laissé faire. Vous avez raison. Et c'est sans doute pourquoi Jean-Paul Ier veut en finir avec toutes ces dissimulations honteuses. Et il tient à ce que les évêques aussi soient informés. C'est la mission qu'il assigne aux agents de la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance, là, qu'est-ce que c'est? C'est ainsi qu'on appelle le service de renseignement officiel du Vatican. Un organisme qui a la réputation d'être très efficace. Mais justement, là, est-ce que la Sainte Alliance n'a pas recueilli d'informations là, sur ces magouilles? Bien sûr que si. Elle dispose même d'un agent infiltré dans l'IOR, le père Danicola. Cet espion va rédiger un rapport très préoccupant qui révèle entre autres que la Banque d'Italie enquête sur les connexions du Vatican avec les sociétés de Calvi. Et donc là, le Banco Ambrosiano. Là. Mmh. Alors avant d'aller plus loin, là, un mot quand même sur ce Calvi et sa banque. Là. Volontiers, car l'Ambrosiano va bientôt se trouver au cœur du scandale. Son patron, Roberto Calvi, qu'on appelle familièrement il Cavaliere. Ah, comme Berlusconi plus tard. C'est amusant, non? Oui, oui. Calvi, né dans une vallée alpine proche de la Suisse, a fait de bonnes études avant d'aller combattre pour Mussolini sur le front russe. En 1947, il entre à l'Ambrosiano, réputé être la banque des prêtres. Il faut savoir qu'on ne pouvait y ouvrir un compte qu'après avoir montré son certificat de baptême. Ouais, c'est une garantie qui n'a pourtant pas empêché les magouilles. Hein. Effectivement. Calvi rencontre Michele Sindona dans les années 60. Sindona, l'homme de la mafia. Hein. Et ce dernier le présente en 1971 à Marcinkus, qui est déjà président de l'IOR, la Banque du Vatican. Calvi est alors directeur général de l'Ambrosiano. L'entente entre les trois hommes est totale. Et ils font ensemble d'excellentes affaires. Mais pas toujours honnêtes. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. N'entre pas dans le détail, mais en croisant les intérêts de leurs établissements respectifs, en créant aussi des filiales fantômes dans des paradis fiscaux, ils lèvent beaucoup d'argent, des milliards. Mais est-ce que ce sont de vraies escroqueries? Oui, et d'une façon assez maligne. Les deux compères Sindona et Calvi se débrouillent pour que Marcinkus, patron de la Banque du Vatican, soit complètement impliqué dans leur carambouille. Il est par exemple nommé président du conseil d'administration de l'une de ses filiales fantômes, domiciliée à Panama. Mmh. Et que se passe-t-il lorsqu'au milieu des années 70, l'empire financier de Sindona commence à vaciller? Oh, c'est très simple. Calvi prend la succession de son ami qui a fui aux États-Unis pour échapper à la justice italienne. Et grâce aux participations croisées qui existent entre l'Ambrosiano, les sociétés de Calvi et l'IOR, le blanchiment de l'argent de la mafia se poursuit. Sous la houlette de Licio Gelli, l'homme qui est le vénérable de la loge P2, comme on l'apprendra au début des années 80. Mais attendez là, vous me parlez de Gelli, mais il y a peu de temps, vous m'avez dit qu'au-dessus de Gelli se trouvait un autre homme. Eugenio Cefis, l'ancien numéro 2 d'Enrico Mattei, et qui prendra ensuite les rênes de la Monte Edison. Oui, mais je vous l'ai dit, Cefis est toujours prudemment resté dans l'ombre, et on ne découvrira le rôle qu'il a joué que très tardivement. Alors, je n'y reviens pas. Bon, d'accord. En tout cas, enfin, pour vous, derrière Calvi, il y a toujours Gelli, là, le vénérable qui donne les ordres. D'ailleurs, quand le scandale éclatera, on apprendra que Calvi était le trésorier de la loge P2. Ah oui. Mais alors, sans déflorer la suite de votre récit, là, on peut tout de suite dire que ce banquier, la Calvi, finira très mal. Oui, en effet, on le retrouvera en 1982, pendu sous un pont de Londres. Un assassinat maquillé en suicide. Oui, encore une fois, on a supprimé un complice qui pouvait se révéler trop bavard. Comme Sindona, donc, empoisonné dans sa cellule. Alors, je reviens à ces révélations qui effarent le pape et qui risquent de provoquer un véritable séisme au Vatican si la vérité se fait jour. Ce malheureux Jean-Paul Ier reçoit peu après un nouveau choc. C'est-à-dire ? Le pape reçoit assez mystérieusement une liste de 121 noms. Autant d'ecclésiastiques qui travaillent au Vatican et qui sont affiliés à des loges maçonniques. La loge P2 ? Sans doute. Mais en 1978, l'existence de la P2 n'est pas encore connue. Et puis, il faut observer, mais cela on l'apprendra plus tard, que la loge P2 est une pseudo-loge maçonnique dont les objectifs n'ont rien à voir avec les idéaux maçonniques. Enfin, ça j'y reviendrai. Ouais. Et cette liste, alors, à qui l'a envoyée ? Une obscure agence de presse dirigée par un membre de la loge P2 brouillé avec Licio Gelli, un certain Mino Pecorelli, qui dirige cette officine spécialisée dans la dénonciation de scandales. Vrai ou faux scandale ? Vrai, la plupart du temps. Mais là, en l'occurrence, si ce type est brouillé avec Gelli, là, bah, ça ressemble à un règlement de compte. Oh, très certainement. Oui. Et quel est l'objectif qui est poursuivi en fait par ce Pecorelli là ? Bon, désignant Gelli comme le grand maître de cette loge vaticane, il veut le discréditer aux yeux du pape. Parce qu'il est certain que Jean-Paul Ier, en prenant connaissance de sa liste, sera épouvanté. Pourquoi ? Parce qu'un catholique, surtout un prêtre ou un ecclésiastique de haut rang, ne peut pas être franc-maçon. Exactement. L'Église catholique ne le permet pas. Et même si Jean-Paul Ier n'est pas sectaire par principe, il ne peut quand même pas se satisfaire de voir dans cette liste les noms de quelques-uns des plus hauts personnages du Vatican. Et qui précisément alors ? Monseigneur Villot, le secrétaire d'État. Ah, le premier ministre du pape. Mais aussi le cardinal Cassaroli, qui fait office de ministre des Affaires étrangères. Ou encore le cardinal vicaire de Rome. Et bien sûr, Paul Marcinkus. Mais ce Pecorelli-là n'aurait-il pas été tenté, enfin, comme dans l'affaire Clearstream, hein, de glisser quelques noms de personnages étrangers à cette pseudo-franc-maçonnerie ? Oh, c'est très possible. Alors, une nouvelle fois, Jean-Paul Ier consulte ces deux cardinaux qui lui ont déjà apporté des informations très précises sur les malversations financières de l'IOR. Ouais, de Don Benelli, là, et Félicie, je crois. Et les noms de ces deux prêts-là là, ne figurent pas sur la liste là ? Non. Et c'est quand même un soulagement pour le pape. Oui. Alors que lui disent ces deux cardinaux ? Eh bien, ils sont nullement étonnés. Quoi, ils savaient ? Eh oui. Eh bien, décidément, le Vatican est une étrange maison. Ah, je suis d'accord avec vous. Et réaction du pape, alors ? Il est très embarrassé. Car il se rend compte qu'il va devoir couper des têtes, beaucoup de têtes. Car il a l'impression qu'il existe au Vatican un véritable complot où l'on retrouve étroitement mêlés des corrompus, des pseudo-francs-maçons qui, selon toute vraisemblance, poursuivent des objectifs qui sont rien moins que religieux. Politique ? Le pape en a certainement l'intuition. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette affaire de francs-maçons sera ensuite reprise par l'extrême droite catholique après la mort de Jean-Paul Ier. Le clan des intégristes, regroupé autour de Mgr Lefebvre, accusera en effet les francs-maçons du Vatican d'avoir assassiné le pape. Ouais. Enfin bon, pour en terminer avec ce point, il faut vous dire que Pecorelli paiera très cher son initiative. Que voulez-vous dire ? Après la mort de Jean-Paul Ier, il a sans doute essayé de faire chanter Licio Gelli. Et un soir de mars 1979, Ben, il est tombé sous les balles d'un tueur. Une exécution à la manière de la mafia, car on lui a tiré dans la bouche. Ah, et pour signifier ainsi qu'il ne pourrait plus jamais parler. Ce qui montre, une fois de plus, les intrications qui existaient entre la loge P2 et la mafia. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Retour sur le livre de David Yalop, déjà cité, intitulé, je vous le rappelle, « Le pape doit mourir ». L'auteur donne des détails inédits sur Pecorelli et ses rapports avec Gelli. Extrait. Une fois Luciani abattu, Gelli essaya de traiter avec Pecorelli. Il le soudoya. Inévitablement, Pecorelli demanda de l'argent pour prix de son silence. Gelli refusa de payer. Pecorelli publia le début de ce qu'il annonça comme une série d'articles. Il révélait que Gelli, le pilier du fascisme d'extrême droite, avait espionné pour les communistes pendant la guerre et avait continué de travailler pour eux après. Pecorelli, ayant endossé le manteau de l'intrépide journaliste enquêteur, promit à ses lecteurs de tout révéler sur P2. Pour faire bonne mesure, il révéla aussi que Licio Gelli, ancien nazi, ex-fasciste et vieux communiste, entretenait aussi des liens très étroits avec la CIA. Voyant qu'il révélait une telle partie de la vérité, les collègues de Pecorelli à P2 conclurent qu'il les avait trahis. Et la suite, selon Yalop, était inévitable. Le 20 mars à 21h15, un tueur a abattu le journaliste Maître Chanteur alors qu'il sortait de son bureau. Grâce aux nombreuses complicités qu'il entretient au Vatican, Licio Gelli est informé régulièrement de ce qui se passe dans le bureau du souverain pontife. Dans le bureau. Il a donc connaissance des projets de réforme de ce dernier. Et à son tour, Gelli prévient Roberto Calvi. Et pour les deux hommes, l'heure est grave. Si Jean-Paul Ier veut vraiment donner un coup de balai dans toutes les structures financières du Vatican, il va inévitablement mettre en lumière les détournements de fonds, les magouilles dans les paradis fiscaux et le blanchiment de l'argent de la mafia. Ouais. Est-ce que le pape n'a pas été tenté de demander des comptes au principal responsable de ces dérives? À Paul Martinus, vous voulez dire? Bien sûr, en tant que président de la Banque du Vatican. Eh bien, il l'a fait, et très très tôt. Et ça s'est passé comment? Écoutez, j'étais pas sous la table, mais il paraît que l'entretien qui a duré 3 quarts d'heure a été glacial. Et d'autant que vous avez dit la semaine passée que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés au milieu des années 70. Oui, pour parler de la vente de la Banque catholique de Vénétie au Banco Ambrosiano, dans des conditions qui avaient révolté le futur Jean-Paul Ier. Et Marcinkus, qui avait joué un rôle déterminant dans cette transaction, avait pratiquement envoyé le patriarche de Venise sur les roses. Donc ce deuxième entretien ne pouvait pas se dérouler dans un climat très amical. Et sans bien que dès ce moment, le pape a conçu l'idée de renvoyer Martinus dans le diocèse de Chicago. Chicago, la ville natale de ce monseigneur. Il paraît qu'il est même né dans le quartier d'Al Capone. Et ce Martinus a très bien compris. De retour dans les bureaux de l'IOR, il a lâché à ses collaborateurs « Vous feriez bien de vous rappeler que ce pape a des idées bien différentes du précédent. Il va y avoir des changements par ici, de grands changements. » Et il est vrai que Jean-Paul Ier a l'intention de procéder à d'autres bouleversements dans les plus hautes sphères de la hiérarchie. Un vrai jeu de chaises musicales pour ceux qui ont eu le privilège de recevoir ces confidences. Ouais. Et quand a-t-il l'intention de passer à l'action? À la fin de la troisième semaine de septembre. Il a déjà entre les mains la quasi-totalité de l'enquête sur ce que j'appellerais l'entreprise Vatican. Et le 22 ou le 23... il prononce un discours prémonitoire sur les pauvres à la cathédrale Saint-Jean de Latran, en présence de la majorité des membres de la curie. Donc tout le gouvernement de l'Église est là? Oui, et d'une voix ferme, le pape évoque, je cite à peu près, « l'argent gaspillé dans des choses futiles et pas investi dans des entreprises pour les bénéfices de tous ». Et plus loin, il parle de son rôle de pape. Certes, il lui faut agir avec compassion et rester proche de chacun de ses sujets. Mais il ne doit pas craindre d'exercer des droits que lui confère son autorité contre les méchants. Ah, les méchants, l'avertissement est clair. Cependant, on dira plus tard, et ce n'est certainement pas innocent, que l'Assemblée avait été frappée par la pâleur extrême de Jean-Paul Ier. Ouais, pour préparer l'opinion à l'idée que le pape était déjà malade ce jour-là. C'est probable. Mais remarquez bien que sa pâleur pouvait aussi très bien s'expliquer par les rudes secousses successives qu'il venait de connaître. Ouais, toutes ces révélations. Hein. Et 5 jours plus tard, Jean-Paul Ier décédera. Oui, mais sans avoir pu au préalable mettre en chantier ces réformes-là et cette réorganisation qu'il se promettait de réaliser au plus vite. Alors venons-en à la dernière journée du pape. Le 28 septembre donc. Je crois vous l'avoir dit la semaine passée, c'est une longue et dure journée entre une réunion sur le tiers-monde, la visite de nonces apostoliques, la visite de 8 évêques philippins et surtout l'audience de fin d'après-midi qu'il accorde en tête-à-tête à son secrétaire d'État, Mgr Villiot. Mais juste avant, il faut placer un incident qui, là encore, me semble vouloir accréditer la thèse de la maladie du pape. Racontez-la. Selon la version officielle du Vatican, Jean-Paul Ier aurait ressenti dans l'après-midi une vive douleur dans la poitrine. Pressé par son entourage, il aurait néanmoins refusé d'alerter un médecin. Oui, et puis ça vous semble bizarre. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le soir même, avant d'aller se coucher, son médecin personnel, le docteur Darros, lui téléphone. Or, à aucun moment le pape ne fait allusion à cette douleur qu'il aurait ressentie dans l'après-midi. Et vous pensez par conséquent que l'existence de ce malaise pourrait ressortir d'une pure et simple invention? Je m'interroge. Alors reprenons. Vers 17h30, Jean-Paul Ier reçoit donc le cardinal Villiot. Un entretien anormalement long, plus de 2 heures, est particulièrement important, je vous explique. Attendez, comment pouvez-vous savoir ce qui s'est dit puisque les deux hommes étaient seuls? En recoupant certaines informations. En effet, après ce tête-à-tête avec Villiot, le pape a soupé avec ses 2 secrétaires particuliers, Maggi et Lorenzi. Et il leur a fait des confidences. Puis avant de regagner sa chambre, il a passé quelques coups de téléphone. C'est ainsi qu'on sait à peu près ce qu'a été la conversation entre Jean-Paul Ier et son secrétaire d'État. Alors, allons-y, je vous écoute. Le souverain pontife a d'abord déclaré qu'il avait décidé de procéder au grand nettoyage au sein de l'IOR. Bon, Villiot devait s'y attendre. Soit. Mais il n'avait peut-être pas prévu que Jean-Paul Ier userait d'une telle célérité. Après tout, il n'était pape que depuis 32 jours. Il annonce donc que Marcinkus serait révoqué dès le lendemain et qu'il serait appelé à rejoindre Chicago au plus vite. Mais il fallait auparavant assainir la situation là-bas. À Chicago, donc, et pourquoi là-bas? Jean-Paul Ier considérait que l'archevêque qui était en place, le cardinal Cody, faisait aussi partie des brebis galeuses. Enfin, je n'entre pas dans le détail. En même temps que Marcinkus, le pape, veut aussi renvoyer ses 2 acolytes, Menini et de Strobel. 2 hommes forcément proches de Michele Sindona et de Roberto Calvi. Et à propos de ce dernier, il déclare que les liens avec le Banco Ambrosiano doivent être immédiatement coupés. Ouais. Autre bouleversement? Oui, plusieurs changements au sein de la curie. Mais l'un est d'une particulière importance. Jean-Paul Ier annonce à Villiot qu'il a décidé de le remplacer par l'archevêque de Milan, le cardinal Benilli. Ouais, ça c'est la douche froide pour le secrétaire d'État. En effet. Car si le cardinal, qui était déjà un vieil homme et se sentait fatigué, avait envisagé de prendre sa retraite, il ne s'attendait certainement pas à être remercié aussi vite. Ouais. Mais attendez, pouvait-il en être autrement, puisque Villiot avait été associé, enfin qu'il le veuille ou non, à toutes les décisions qui, sous le précédent pontificat, avaient permis toutes ces dérives financières. Et morales. Non, Villiot n'aurait pas dû se faire d'illusions. Mais le coup a sans doute été dur pour le cardinal. Ouais. Et pour autant, là, dans l'hypothèse de l'assassinat du pape, peut-on le ranger dans la liste de ceux qui auraient pu être tentés d'agir? Je me garderai bien d'aller jusque-là. Mais il est vrai que le cardinal Villiot a figuré dans la liste des suspects et qu'il en a été vraisemblablement blessé, tout comme le secrétaire John Maggi, qui en principe a été le dernier homme à voir le pape vivant. Autre chose, là, ces mesures radicales que Jean-Paul Ier s'apprêtait à prendre pouvait aussi apparaître comme une condamnation de l'action de son prédécesseur, Paul VI. Oui, et le pape en avait douloureusement conscience. Mais pouvait-il agir autrement? En tout cas, la mort de Jean-Paul Ier a mis un terme à tous les bouleversements qu'il voulait introduire. Et à ce grand coup de balai qu'il voulait donner dans les affaires financières du Vatican. Oui, parce que son successeur ne donnera pas suite à ses réformes. Non, Jean-Paul II, tout comme Paul VI, s'attachera les services de Marcinkus et ne tiendra aucun compte des nombreuses accusations qui continueront à être portées contre l'évêque américain. Mieux, Il le défendra bec et ongles et en fera même un archevêque en 1981. Et pourtant, la situation judiciaire de Martincus deviendra de plus en plus précaire. C'est-à-dire ? En 1982, le Banco Ambrosiano fait une faillite frauduleuse. Oui, c'est le scandale. Et on ne tiendra pas à retrouver Calvi suicidé. C'est-à-dire assassiné. Les magistrats italiens délivrent alors un mandat d'arrêt contre Martincus. Mais Jean-Paul II refuse son extradition en vertu des accords de Latran qui interdisent l'ingérence de l'Italie dans la maison de Dieu. Le Vatican, oui. Oui, mais Martincus, du fait de ses poursuites, ne peut plus sortir du Vatican sans risquer de se faire arrêter. Ah ben ça, c'est très embarrassant. Et franchement, Martincus est de plus en plus encombrant. Finalement, en 1989, il est obligé de quitter ses fonctions présidentielles de l'IOR. Et en 1990, il quitte le Vatican pour prendre sa retraite aux États-Unis, où il est mort en 2006 dans l'Arizona. Mmh. Revenons quand même à notre sujet principal, la mort de Jean-Paul Ier. Ben, au fond, quelle est votre conviction ? Alors là, je n'aurai pas l'outrecuidance de trancher entre la thèse de la mort naturelle et celle de l'assassinat. Mais je crois quand même vous avoir montré qu'on pouvait avoir de sérieuses raisons de douter de la version officielle. Alors, pour terminer, je vous donne encore deux informations. En août 1998, un cardinal brésilien très proche de Jean-Paul Ier, Aloysius Lord Scheider, relance les soupçons sur la mort du pape dans une interview accordée à un mensuel catholique italien, Trenta Giorni. Que dit-il, là ? Ceci qui est très déconcertant. Je vous le lis parce que j'ai gardé ce papier en vue de notre entretien. Je ne veux rien savoir de tout ce qui a été écrit sur la mort de Jean-Paul Ier. Toutefois, je le dis avec peine. Les soupçons restent dans notre cœur comme une ombre amère, comme une question à laquelle on n'a pas donné une réponse complète. Oui, effectivement, troublant. Hein. Et la deuxième information ? En 2008, un repenti de la Cosa Nostra a affirmé que l'assassinat était l'aboutissement d'un complot ourdi par quatre cardinaux, dont Villot et la loge P2, Martincus ayant été chargé d'être l'exécuteur. Mmh. Et c'est crédible, ça ? Bon, ni plus ni moins que la thèse officielle de la mort naturelle. Pour finir, moi, je trouve très troublant de constater que Jean-Paul II a gardé Martincus aussi longtemps auprès de lui. On peut en effet voir les choses comme ça, si on ne connaît pas le dessous des cartes. Mais vous, bien sûr, vous les connaissez. En partie seulement, oui. Alors, votre explication ? Jean-Paul II n'a rien ignoré des affaires tortueuses de Martincus et de ses complices. Mais pour lui, il y avait plus important. Grâce à l'IOR, la banque du Vatican, et à cet argent noir qu'elle faisait rentrer, le pape a pu financer le combat qu'il avait décidé de mener contre le communisme. Et c'est ainsi qu'il a pu faire parvenir au syndicat Soldarnosc des millions de dollars. Et pour Jean-Paul II, rien n'était plus essentiel. Et si vous n'êtes pas convaincu, remarquez que c'est en 1989 que Martincus a dû démissionner. 1989, l'année de la chute du mur. Jean-Paul II avait gagné et il n'avait plus besoin du Monsignore. Des livres pour finir, outre l'ouvrage très sulfureux de David Yalop qui vient d'être réédité dans une version augmentée, il faut signaler la parution en poche chez Tempus de l'ouvrage de Bernard Lecomte, Les secrets du Vatican. Et puis aussi celui de Jean-Michel Meurice qui a mené une véritable enquête sur Arte, Le vrai pouvoir du Vatican, c'est paru chez Albin Michel.